Chapitre 21 La mort de Belot. La température pendant les journées du 3 et du 4 juillet se maintint à 57 degrés, plus 14 centigrades. Ce fut le plus haut point thermométrique observé pendant cette campagne. Mais le jeudi 5, le vent passa dans le sud-est et fut accompagné de violents tourbillons de neige. Le thermomètre tomba dans la nuit précédente de 23 degrés. À terrasse, sans se préoccuper des mauvaises dispositions de l'équipage, donna l'ordre d'appareiller. Depuis 13 jours, c'est-à-dire depuis le cap Dundas, le Forward n'avait pu gagner un nouveau degré dans le nord. Aussi, le parti représenté par Clifton n'était pas satisfait. Ses désirs, il est vrai, se trouvèrent d'accord en ce moment avec la résolution du capitaine de s'élever dans le canal Wellington, et il ne fit pas de difficulté pour manœuvrer. Le brick ne parvint pas sans peine à mettre à la voile, mais, ayant établi dans la nuit sa misaine, ses huniers et ses perroquets, Hatteras s'avança hardiment au milieu des trains de glace que le courant entraînait vers le sud. L'équipage se fatigua beaucoup dans cette navigation sinueuse qui l'obligeait souvent à contrebrasser la voilure. Le canal Wellington n'a pas une très grande largeur. Il est resserré entre la côte du Devon septentrional à l'est et l'île Cornwallis à l'ouest. Cette île passa longtemps pour une presqu'île. Ce fut Sir John Franklin qui la contourna en 1846 par sa côte occidentale en revenant de sa pointe au nord du canal. L'exploration du canal Wellington fut faite en 1851 par le capitaine Penny, sur les baleiniers Lady Franklin et Sophie. L'un de ses lieutenants, Stewart, parvenu au cap Becher par 76 degrés 20 minutes de latitude, découvrit la mer libre. La mer libre, voilà ce qu'espérait Hatteras. « Ce que Stewart a trouvé, je le trouverai, dit-il au docteur, et alors je pourrai naviguer à la voile vers le pôle. » Mais, répondit le docteur, ne craignez-vous pas que votre équipage... Mon équipage, dit durement Hatteras. Puis, à voix basse, « Pauvres gens » murmura-t-il au grand étonnement du docteur. C'était le premier sentiment de cette nature que celui-ci surprenait dans le cœur du capitaine. « Mais non, » reprit ce dernier avec énergie, « il faut qu'ils me suivent. Ils me suivront. » Cependant, si le Forward n'avait pas à craindre la collision des ice streams encore espacés, il gagnait peu dans le nord car les vents contraires l'obligèrent souvent à s'arrêter. Il dépassa péniblement les caps Spencer et Innis, et le 10, le mardi, le 75e degré de latitude fut enfin franchi, à la grande joie de Clifton. Le Forward se trouvait à l'endroit même où les vaisseaux américains, le Rescue et l'Advance, commandés par le capitaine de Haven, coururent de si terribles dangers. Le docteur Ken faisait partie de cette expédition. Vers la fin de septembre 1850, ces navires, enveloppés par une banquise, furent rejetés avec une puissance irrésistible dans le détroit de Lancastre. Ce fut Shandon qui raconta cette catastrophe à James Wall devant quelques-uns des hommes du brick. « L'Advance et le Rescue, leur dit-il, furent tellement secoués, enlevés, ballottés par les glaces, qu'on dut renoncer à conserver du feu à bord, et cependant la température tomba jusqu'à 18 degrés au-dessous de zéro. Pendant l'hiver tout entier, les malheureux équipages furent retenus prisonniers dans la banquise, toujours préparés à l'abandon de leur navire, et pendant 3 semaines, ils n'ôtèrent même pas leurs habits. Ce fut dans cette situation épouvantable qu'après une dérive de 1000 miles, ils furent drossés jusque dans le milieu de la mer de Baffin. On peut juger de l'effet produit par ces récits sur le moral d'un équipage déjà mal disposé. Pendant cette conversation, Johnson s'entretenait avec le docteur d'un événement dont ces parages avaient été le théâtre. Le docteur, suivant sa demande, le prévint du moment précis auquel le brick se trouvait par 75 degrés 30 minutes de latitude. « C'est là, c'est bien là !» s'écria Johnson. « Voilà cette terre funeste !» Et en parlant ainsi, les larmes venaient aux yeux du digne maître d'équipage. « Vous voulez parler de la mort du lieutenant Belot ?» lui dit le docteur. « Oui, monsieur Clawbonny, de ce brave officier de tant de cœur et de tant de courage. Et c'est ici, dites-vous, que cette catastrophe eut lieu ? Ici même, sur cette partie de la côte du North Devon. Oh, il y a eu dans tout cela une très grande fatalité, et ce malheur ne serait pas arrivé si le capitaine Pullen fût revenu plus tôt à son bord. Que voulez-vous dire, Johnson ? Écoutez-moi, monsieur Clawbonny, et vous verrez à quoi tient souvent l'existence. » Vous savez que le lieutenant Belot fit une première campagne à la recherche de Franklin en 1850. Oui, Johnson, sur le prince Albert. Eh bien, en 1853, de retour en France, il obtint la permission d'embarquer sur le Phénix, à bord duquel je me trouvais en qualité de matelot, sous le capitaine Inglefield. Nous venions avec le Bredalban transporter des approvisionnements à l'île Bechet. Ceux-là qui nous ont si malheureusement fait défaut. C'est cela même, monsieur Claoboni. Nous arrivâmes à l'île Bechet au commencement d'août. Le 10 de ce mois, le capitaine Inglefield quitta le Phénix pour rejoindre le capitaine Pullen, séparé depuis un mois de son navire, le North Star. À son retour, il comptait expédier à Sir Edward Belcher, qui hivernait dans le canal de Wellington, les dépêches de l'amirauté. Or, peu après le départ de notre capitaine, le commandant Pullen regagna son bord. Que n'y est-il revenu avant le départ du capitaine Inglefield ? Le lieutenant Bellot, craignant que l'absence de notre capitaine ne se prolongeât, et sachant que les dépêches de l'amirauté étaient pressées, offrit de les porter lui-même. Il laissa le commandement de deux navires au capitaine Pullen et partit le 12 août avec un traîneau et un canot en caoutchouc. Il emmenait avec lui Harvey, le quartier-maître de North Star, trois matelots, Madden, David Hook et moi. Nous supposions que Sir Edward Belcher devait se trouver aux environs du cap Becher, au nord du canal. Nous nous dirigeâmes donc de ce côté, dans notre traîneau, en serrant de près les rivages de l'est. Le premier jour, nous campâmes à 3 miles du cap Innis. Le lendemain, nous nous arrêtions sur un glaçon à 3 miles à peu près du cap Bowden. Pendant la nuit, claire d'ailleurs comme le jour, la terre était à 3 miles. Le lieutenant Bellot résolut d'y aller camper. Il essaya de s'y rendre dans le canot de caoutchouc. Deux fois une violente brise du sud-est le repoussa. À leur tour, Harvey et Madden tentèrent le passage et furent plus heureux. Ils s'étaient munis d'une corde et ils établirent une communication entre le traîneau et la côte. 3 objets furent transportés au moyen de cette corde. Mais à 1/4 tentative, nous sentîmes notre glaçon se mettre en mouvement. Monsieur Bellot cria à ses compagnons de lâcher la corde et nous fûmes entraînés, le lieutenant, David Hook et moi, à une grande distance de la côte. En ce moment, le vent soufflait avec force de sud-est. Il neigeait, mais nous ne courions pas encore de grands dangers. Il pouvait bien en revenir, puisque nous en sommes revenus, nous autres. Johnson s'interrompit un instant en considérant cette côte fatale. Puis il reprit. Après avoir perdu de vue nos compagnons, nous essayâmes d'abord de nous abriter sous la tente de notre traîneau, mais en vain. Alors, avec nos couteaux, nous commençâmes à nous tailler une maison dans la glace. Monsieur Bellot s'assit 1/2 et s'entretint avec nous sur le danger de notre situation. Je lui dis que je n'avais pas peur. Avec la protection de Dieu, nous répondit-il, pas un cheveu ne tombera de notre tête. Je lui demandai alors quelle heure il était. Il répondit, environ 6:15. Il était 6:15 du matin, le jeudi 18 août. Alors Monsieur Bellot attacha ses livres et dit qu'il voulait aller voir comment la glace flottait. Il était parti depuis 4 minutes seulement, quand j'allais, pour le chercher, faire le tour du même glaçon sur lequel nous étions abrités. Mais je ne pus le voir, et, en retournant à notre retraite, j'aperçus son bâton du côté opposé d'une crevasse d'environ 5 toises de large, où la glace était toute cassée. J'appelai alors, mais sans réponse. À cet instant, le vent soufflait très fort. Je cherchai encore autour du glaçon, mais je ne pus découvrir aucune trace du pauvre lieutenant. « Et que supposez-vous ? » demanda le docteur, ému de ce récit. « Je suppose que quand M. Bellot sortit de la cachette, le vent l'emporta dans la crevasse, et son paletot étant boutonné, il ne put nager pour revenir à la surface. « Oh, M. Claoboni, j'éprouvais là le plus grand chagrin de ma vie. Je ne voulais pas le croire. Ce brave officier, victime de son dévouement. Car sachez que c'est pour obéir aux instructions du capitaine Pullen qu'il a voulu rejoindre la terre avant cette débâcle. Brave jeune homme, aimé de tout le monde à bord, serviable, courageux, il a été pleuré de toute l'Angleterre. Il n'est pas jusqu'aux Esquimaux eux-mêmes qui, apprenant du capitaine Inglefield à son retour de la baie de Pond, la mort du bon lieutenant, ne s'écrièrent en pleurant comme je le fais ici, « Pauvre Bellot, pauvre Bellot !» Mais votre compagnon et vous, Johnson, demanda le docteur, attendri par cette narration touchante, comment parvînt-vous à regagner la terre ? Nous, monsieur, c'était peu de chose. Nous restâmes encore 24 heures sur le glaçon, sans aliment et sans feu. Mais nous finîmes par rencontrer un champ de glace échoué sur un bas-fond. Nous y sautâmes, et à l'aide d'un aviron qui nous restait, nous accrochâmes un glaçon capable de nous porter et d'être manœuvré comme un radeau. C'est ainsi que nous avons gagné le rivage, mais seuls et sans notre brave officier. » À la fin de ce récit, le Forward avait dépassé cette côte funeste, et Johnson perdit de vue le lieu de cette terrible catastrophe. Le lendemain, on laissait la baie Griffin sur tribord, et 2 jours après, les caps Grinnell et Helpman. Enfin, le 14 juillet, on doubla la pointe Osborne, et le 15, le brick mouilla dans la baie Baring, à l'extrémité du canal. La navigation n'avait pas été très difficile. Hatteras rencontra une mer presque aussi libre que celle dont Belcher profita pour aller hiverner avec le pionnier et l'assistance jusqu'auprès du 77e degré. Ce fut de 1852 à 1853, pendant son premier hivernage, car l'année suivante, il passa l'hiver de 1853 à 1854 à cette baie Baring où le Forward mouillait en ce moment. Ce fut même à la suite des épreuves et des dangers les plus effrayants qu'il dut abandonner son navire, l'Assistance, au milieu de ces glaces éternelles. Shandon se fit aussi le narrateur de cette catastrophe devant les matelots démoralisés. Hatteras connut-il ou non cette trahison de son premier officier ? Il est impossible de le dire. En tout cas, il se tut à cet égard. À la hauteur de la baie Baring se trouve un étroit chenal qui fait communiquer le canal Wellington avec le canal de la Reine. Là, les trains de glace se trouvèrent fort pressés. Hatteras fit de vains efforts pour franchir les passes du nord de l'île Hamilton. Le vent s'y opposait. Il fallait donc se glisser entre l'île Hamilton et l'île Cornwallis. On perdit là 5 jours précieux en efforts inutiles. La température tendait à s'abaisser et tomba même le 19 juillet à 26 degrés, moins 4 centigrades. Elle se releva le jour suivant, mais cette menace anticipée de l'hiver arctique devait engager Hatteras à ne pas attendre davantage. Le vent avait une tendance à se tenir dans l'ouest et s'opposait à la marche de son navire. Et cependant, il avait hâte de gagner le point où Stewart se trouva en présence d'une mer libre. Le 19, il résolut de s'avancer à tout prix dans le chenal. Le vent soufflait debout aux briques, qui, avec une hélice, eût pu lutter contre ces violentes rafales chargées de neige. Mais Hatteras devait avant tout ménager son combustible. D'un autre côté, la passe était trop large pour permettre de haler sur le brick. Hatteras, sans tenir compte des fatigues de l'équipage, recourut à un moyen que les baleiniers emploient parfois dans des circonstances identiques. Il fit amener les embarcations à fleur d'eau tout en les maintenant suspendues à leurs palans sur les flancs du navire. Ces embarcations étaient solidement amarrées de l'avant et de l'arrière. Les avirons furent armés sur tribord des unes et sur bâbord des autres. Les hommes, à tour de rôle, prirent place à leur banc de rameurs et durent nager vigoureusement de manière à pousser le brick contre le vent. Le Forward s'avança lentement dans le chenal. On comprend ce que furent les fatigues provoquées par ce genre de travaux. Les murmures se firent entendre. Pendant 4 jours, on navigua de la sorte jusqu'au 23 juillet, où l'on parvint à atteindre l'île Baring dans le canal de la Reine. Le vent restait contraire. L'équipage n'en pouvait plus. La santé des hommes parut fort ébranlée au docteur et il crut voir chez quelques-uns les premiers symptômes du scorbut. Il ne négligea rien pour combattre ce mal terrible, ayant à sa disposition d'abondantes réserves de lame Joyce et de pastilles de chaux. Hatteras comprit bien qu'il ne fallait plus compter sur son équipage. La douceur, la persuasion fussent demeurées sans effet. Il résolut donc de lutter par la sévérité et de se montrer impitoyable à l'occasion. Il se défiait particulièrement de Richard Shandon et même de James Wall, qui cependant n'osait pas parler trop haut. Hatteras avait pour lui le docteur, Johnson, Bell, Simpson. Ces gens lui étaient dévoués corps et âme. Parmi les indécis, il notait Fokker, Bolton, Wollaston, l'armurier, Brunton, le premier ingénieur, qui pouvait, à un moment donné, se tourner contre lui. Quant aux autres, Penn, Gripper, Clifton, Warren, ils méditaient ouvertement leur projet de révolte. Ils voulaient entraîner leurs camarades et forcer le Forward à revenir en Angleterre. Hatteras vit bien qu'il ne pouvait plus obtenir de cet équipage mal disposé et surtout épuisé de fatigue la continuation des manœuvres précédentes. Pendant 24 heures, il resta en vue de l'île Behring, sans faire un pas en avant. Cependant, la température s'abaissait et le mois de juillet, sous ses hautes latitudes, se ressentait déjà de l'influence de prochain hiver. Le 24, le thermomètre tomba à 22 degrés, moins 6 centigrades. La Young Ice, la glace nouvelle, se reformait pendant la nuit et acquérait 6 à 8 lignes d'épaisseur. S'il neigeait par-dessus, elle pouvait devenir bientôt assez forte pour supporter le poids d'un homme. La mer prenait déjà cette teinte sale qui annonce la formation des premiers cristaux. Hatteras ne se méprenait pas à ces symptômes alarmants. Si les passes venaient à se boucher, il serait forcé d'hiverner en cet endroit, loin du but de son voyage, et sans même avoir entrevu cette mer libre dont il devait être si rapproché, suivant les rapports de ses devanciers. Il résolut donc, coûte que coûte, de se porter en avant et de gagner quelques degrés dans le nord. Voyant qu'il ne pouvait employer ni les avirons avec un équipage à bout de force, ni les voiles avec un vent toujours contraire, il donna l'ordre d'allumer les fourneaux. Chapitre 22. Commencement de révolte. À ce commandement inattendu, la surprise fut grande à bord du Forward. « Allumer les fourneaux ? » dirent les uns. « Et avec quoi ? » dirent les autres. « Quand nous n'avons plus que 2 mois de charbon dans le ventre ? » s'écria Penn. « Et comment nous chaufferons-nous l'hiver ? » demanda Clifton. « Il nous faudra donc, reprit Gripper, brûler le navire jusqu'à sa ligne de flottaison. »« Et bourrer le poêle avec les mâts, » répondit Warren, « depuis le perroquet jusqu'au bout dehors de Beaupré. » Shandon regardait fixement Wall. Les ingénieurs stupéfaits hésitaient à descendre dans la chambre de la machine. « M'avez-vous entendu ? » s'écria le capitaine d'une voix irritée. Brunton se dirigea vers l'écoutille, mais au moment de descendre, il s'arrêta. « N'y va pas, Brunton !» dit une voix. « Qui a parlé ?» s'écria Hatteras. « Moi !» fit Penn, en s'avançant vers le capitaine. « Et vous dites ?» demanda celui-ci. « Je dis !» répondit Penn en jurant. « Je dis que nous en avons assez, que nous n'irons pas plus loin, que nous ne voulons pas crever de fatigue et de froid pendant l'hiver, et qu'on n'allumera pas les fourneaux. »« Monsieur Shandon !» répondit froidement Hatteras. « Faites mettre cet homme au fer !»« Mais capitaine !» répondit Shandon. « Ce que cet homme a dit ?»« Ce que cet homme a dit !» répliqua Hatteras. « Si vous le répétez, vous, je vous fais enfermer dans votre cabine et garder à vue. Que l'on saisisse cet homme. M'entend-on ?» Johnson, Bell, Simpson se dirigèrent vers le matelot que la colère mettait hors de lui. « Le premier qui me touche !» s'écria-t-il en saisissant un anspect qu'il brandit au-dessus de sa tête. Hatteras s'avança vers lui. « Penn !» dit-il d'une voix tranquille. « Un geste de plus, et je te brûle la cervelle. » En parlant de la sorte, il arma un revolver et le dirigea sur le matelot. Un murmure se fit entendre. « Pas un mot, vous autres, » dit Hatteras, « ou cet homme tombe mort. » En ce moment, Johnson et Bell désarmèrent Penn, qui ne résista plus et se laissa conduire à fond de cale. « Allez, Brunton, » dit Hatteras. L'ingénieur, suivi de Plower et de Warren, descendit à son poste. Hatteras revint sur la dunette. « Ce Penn est un misérable !» lui dit le docteur. « Jamais homme n'a été plus près de la mort !» répondit simplement le capitaine. Bientôt, la vapeur eut acquis une pression suffisante. Les ancres du Forward furent levées. Celui-ci, coupant vers l'est, mit le cap sur la pointe Bisher et trancha de son étrave les jeunes glaces déjà formées. On rencontre, entre l'île Behring et la pointe Bisher, un assez grand nombre d'îles, échouées pour ainsi dire au milieu des icefields. Les streams se pressaient en grand nombre dans les petits détroits dont cette partie de la mer est sillonnée. Ils tendaient à s'agglomérer sous l'influence d'une température relativement basse. Des hummocks se formaient çà et là, et l'on sentait que ces glaçons déjà plus compacts, plus denses, plus serrés, ferait bientôt, avec l'aide des premières gelées, une masse impénétrable. Le Forward chenalait donc, non sans une extrême difficulté, au milieu des tourbillons de neige. Cependant, avec la mobilité qui caractérise l'atmosphère de ces régions, le soleil reparaissait de temps à autre. La température remontait de quelques degrés, les obstacles se fondaient comme par enchantement, et une belle nappe d'eau, charmante à contempler, s'étendait là où naguère les glaçons hérissaient toutes les passes. L'horizon revêtait de magnifiques teintes orangées, sur lesquels l'œil se reposait complaisamment de l'éternelle blancheur des neiges. Le jeudi 26 juillet, le Forward rasa l'île Dundas et mit ensuite le cap plus au nord. Mais alors il se trouva face à face avec une banquise, haute de 8 à 9 pieds et formée de petits icebergs arrachés à la côte. Il fut obligé d'en prolonger longtemps la courbure dans l'ouest. Le craquement ininterrompu des glaces, se joignant au gémissement du navire, formait un bruit triste qui tenait du soupir et de la plainte. Enfin, le brick trouva une passe et s'y avança péniblement. Souvent, un glaçon énorme paralysait sa course pendant de longues heures. Le brouillard gênait la vue du pilote. Tant que l'on voit un mile en avant, on peut parer facilement les obstacles. Mais, au milieu de ces tourbillons embrumés, la vue s'arrêtait souvent à moins d'une encablure. La houle très forte fatiguait. Parfois, les nuages lisses et polis prenaient un aspect particulier, comme s'ils eussent réfléchi les bancs de glace. Il y eut des jours où les rayons jaunâtres du soleil ne parvinrent pas à franchir la brume tenace. Les oiseaux étaient encore fort nombreux et leurs cris assourdissants. Des phoques, paresseusement couchés sur des glaçons en dérive, levaient leurs têtes peu effrayées et agitaient leurs longs cous au passage du navire. Celui-ci, en rasant leur demeure flottante, y laissa plus d'une fois des feuilles de son doublage roulées par le frottement. Enfin, après 6 jours de cette lente navigation, le 1er août, la pointe Bisher fut relevée dans le nord. Hatteras passa ses dernières heures dans les barres de perroquets. La mer libre, entrevue par Stewart le 30 mai 1851, vers 76°20' de latitude, ne pouvait être éloignée. Et cependant, si loin qu'Hatteras promena ses regards, il n'aperçut aucun indice d'un bassin polaire dégagé de glace. Il redescendit sans mot dire. « Est-ce que vous croyez à cette mer libre ?» demanda Shandon au lieutenant. « Je commence à en douter, » répondit James Wall. « N'avais-je donc pas raison de traiter cette prétendue découverte de chimères et d'hypothèses ? Et l'on n'a pas voulu me croire, et vous-même, Wall, vous avez pris parti contre moi. On vous croira désormais, Shandon. » « Oui, » répondit ce dernier, « quand il sera trop tard. » Il rentra dans sa cabine, où il se tenait presque toujours renfermé depuis sa discussion avec le capitaine. Le vent retomba dans le sud vers le soir. Hatteras fit alors établir sa voilure et éteindre ses feux. Pendant plusieurs jours, les plus pénibles manœuvres furent reprises par l'équipage. À chaque instant, il fallait ou lofer ou laisser arriver, ou masquer brusquement les voiles pour enrayer la marche du brick. Les bras des vergues, déjà roidis par le vent, couraient mal dans les poulies engorgées et ajoutaient encore à la fatigue. On mit plus d'une semaine à atteindre la pointe Barrow. Le Forward n'avait pas gagné 30 miles en 10 jours. Là, le vent sauta de nouveau dans le nord et l'hélice fut remise en mouvement. Hatteras espérait encore trouver une mer affranchie d'obstacles au-delà du 77e parallèle, tel que l'a vu Edward Belcher. Et cependant, s'il s'en rapportait au récit de Penny, cette partie de mer qu'il traversait en ce moment aurait dû être libre, car Penny, arrivé à la limite des glaces, reconnut en canot les bords du canal de la Reine jusqu'au 77e degré. Devait-il donc regarder ses relations comme apocryphes, ou bien un hiver précoce venait-il s'abattre sur ces régions boréales? Le 15 août, le mont Percy dressa dans la brume ses pics couverts de neiges éternelles. Le vent très violent chassait devant lui une mitraille de grésil qui crépitait avec bruit. Le lendemain, le soleil se coucha pour la première fois, terminant enfin la longue série des jours de 24 heures. Les hommes avaient fini par s'habituer à cette clarté incessante, mais les animaux en ressentaient peu l'influence. Les chiens groenlandais se couchaient à l'heure habituelle et Dieuk lui-même s'endormait régulièrement chaque soir comme si les ténèbres eussent envahi l'horizon. Cependant, pendant les nuits qui suivirent le 15 août, l'obscurité ne fut jamais profonde. Le soleil, quoique couché, donnait encore une lumière suffisante par réfraction. Le 19 août, après une assez bonne observation, on releva le cap Franklin sur la côte orientale et sur la côte occidentale, le cap Lady Franklin. Ainsi, au point extrême atteint sans doute par ce hardi navigateur, la reconnaissance de ses compatriotes voulut que le nom de sa femme si dévouée fît face à son propre nom, emblème touchant de l'étroite sympathie qui les unit toujours. Le docteur fut ému de ce rapprochement, de cette union morale entre deux pointes de terre au sein de ces contrées lointaines. Le docteur, suivant les conseils de Johnson, s'accoutumait déjà à supporter les basses températures. Il demeurait presque sans cesse sur le pont, bravant le froid, le vent et la neige. Sa constitution, bien qu'il eût un peu maigri, ne souffrait pas des atteintes de ce rude climat. D'ailleurs, il s'attendait à d'autres périls et constatait, avec gaieté même, les symptômes précurseurs de l'hiver. « Voyez, dit-il un jour à Johnson, voyez ces bandes d'oiseaux qui émigrent vers le sud, comme ils s'enfuient à tire-d'aile en poussant leurs cris d'adieu. » « Oui, monsieur Clawbonny, répondit Johnson, quelque chose leur a dit qu'il fallait partir, et ils se sont mis en route. Plus d'un des nôtres, Johnson, serait, je crois, tenté de les imiter. Ce sont des cœurs faibles, monsieur Clawbonny. Que diable, ces animaux-là n'ont pas un approvisionnement de nourriture comme nous. Il faut bien qu'ils aillent chercher leur existence ailleurs. Mais des marins, avec un bon navire sous les pieds, doivent aller au bout du monde. Vous espérez donc qu'Atterras réussira dans ses projets ? Il réussira, monsieur Clawbonny. Je le pense comme vous, Johnson. Et dût-il, pour le suivre, ne conserver qu'un seul compagnon fidèle ? Nous serions deux. Oui, Johnson, répondit le docteur en serrant la main du brave matelot. La terre du prince Albert, que le Forward prolongeait en ce moment, porte aussi le nom de terre Grinnell. Et bien qu'Atterras, en haine des Yankees, n'eût jamais consenti à lui donner ce nom, c'est cependant celui sous lequel elle est le plus généralement désignée. Voilà d'où vient cette double appellation. En même temps que l'anglais Penny lui donnait le nom de prince Albert, le commandant de la Rescue, le lieutenant de Haven, la nommait terre Grinnell, en l'honneur du négociant américain qui avait fait à New York les frais de son expédition. Le brick, en suivant ses contours, éprouva une série de difficultés inouïes, naviguant tantôt à la voile, tantôt à la vapeur. Le 18 août, on releva le mont Britannia, à peine visible dans la brume, et le Forward jeta l'ancre le lendemain dans la baie de Northumberland. Il se trouvait cerné de toutes parts.